l'abîmer, rincer jusqu'au fond des draps, de tout ce qu'elle t'a aimé, de tout ce que tu n'as pas regardé. Mais tu as aspiré tout ce qu'il y a de bon en elle, complètement vidé, comme la bouteille qui était pleine. C'était pour elle, et c'était rien pour toi. Mais pauvre con, t'as pas compris. Chacun son lit, chacun sa vie. Oh, oh, oh, oh. Tu peux la lâcher, c'est fini. Chacun son lit, chacun sa nuit. Adieu à la grève de la vie. Trop bonne et trop conne, voilà comment elle se voit. Moi je crois simplement que son cœur il est bien trop grand. Bien trop grand pour toi, pour sûr que tu la mérites pas. Allez dégage de là, plus jamais tu ne la toucheras. C'était tout pour elle, mais c'était rien pour toi. Mais pauvre con, t'as pas compris. Chacun son lit, chacun sa vie. Oh, oh, oh, oh. Tu peux la lâcher, c'est fini. Chacun son lit, chacun sa nuit. Adieu à la grève de la vie. Elle t'a tout donné, tout servi sur un plateau. T'as du pot de pas l'avoir frappé, sûr que je t'aurais fait la peau. Et c'est à cause de toi qu'elle a mal à l'intérieur. Et toi, toi tu t'en fous, tu comprends pas, tu n'as pas de cœur. C'était tout pour elle, mais c'était rien pour toi. Mais pauvre con, t'as pas compris. Chacun son lit, chacun sa vie. Oh. Tu peux la lâcher, c'est fini. Chacun son lit, chacun sa nuit. Adieu à la grève de la vie. C'est là toujours là, c'est pas comme il était une fois. Tu pars, tu l'as détruite. Elle a fait la grève de la vie. C'est rien pour toi, mais pauvre con, t'as pas compris. Chacun son lit, chacun sa vie. Oh, oh, oh, oh. Tu peux la lâcher, c'est fini. Chacun son lit, chacun sa nuit. Adieu à la grève de la vie.